Salut à tous et bienvenue à l'épisode 2 d'Épistémia. Cette fois-ci, mon ami Sébastien Monnet-Roy vient me parler du fromage et de comment ça fonctionne au niveau chimique. Nous avons enregistré cet épisode il y a plusieurs mois. Vous remarquerez dès le début que le nom du podcast n'était pas encore fixé, la structure non plus. J'avais envisagé au début de diffuser mensuellement un podcast divisé en plusieurs sections ou segments. C'est des détails, mais je le mentionne en guise de clarté. Éventuellement, les petites introductions que je fais ici serviront à faire des liens avec les épisodes précédents quand il sera question de sujets qui nécessiteront plusieurs épisodes à couvrir, ce qui est présentement difficile à faire avec seulement 2 épisodes. Donc, c'est pas mal ça pour l'introduction. Je vous invite à plonger dans l'univers du fromage. Ça commence à l'instant. Bienvenue, chers intronautes. On est... j'ai toujours pas de formule de bienvenue. Fait qu'on y va avec ce qu'on a. Donc, bienvenue, chers intronautes, à cette nouvelle portion d'un épisode de Les Pistes. On n'a toujours pas de nom non plus. Les pistes du savoir, peut-être. Mais juste Pistes. Ça, c'est une suggestion de mon ami ici, Sébastien Monnet-Roy. Titre en travail. Titre d'émission en travail. Sébastien, t'es un peu comme Anne-Marie qu'on a eu dans l'autre segment. T'as étudié en microbiologie, toi aussi. J'ai fait un petit peu de microbiologie, mais plus spécifiquement, mon programme a changé de nom. Maintenant, ça s'appelle biochimie et médecine moléculaire. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'aspect biochimie. Fait que quand je suis rentré là, j'ai fait un bac en biochimie. De ce que je comprends, Anne-Marie a fait principalement ça aussi, mais elle a un petit peu plus de bagage que moi, c'est-à-dire que, bon, je pense que la dernière fois, tu avais parlé de son mémoire. Moi, je n'ai pas de mémoire actuellement, donc j'ai pas continué à la maîtrise. J'ai un petit stage sous mon bras, sinon j'ai de l'expérience dans le domaine de l'alimentation pour l'instant. Oui, ça. Présentement, tu es aide fromagier. Oui. Où? À la fromagerie Champêtre. Qui est nominé à peu près à chaque année pour le meilleur fromage en grain. Je dis ça juste comme ça. Ouais, une bonne petite plug. Ouais, puis le fromage le boquet qui est lavé à la bière. Ah oui, c'est le boquet qui... Ouais. Il est quand même bon le boquet. Mes parents en achètent chez Costco. C'est un produit quand même assez exceptionnel et oui, il peut être trouvé chez Costco là, à peu près à longueur d'année. À longueur d'année, c'est bon ça. Ben oui. Fait que toi, tu viens ici pour nous parler du cahier. Oui. Je voulais qu'on parle de la physico-chimie du cahier, pour être plus précis. Parce que le cahier par lui-même, ça semble pas très intéressant. C'est quelque chose qu'on n'aime pas retrouver dans le frigo la plupart du temps. Le lait cahier. Oui. Et puis, d'ailleurs, je sais pas si tu le savais, mais ça sert pas juste à faire le fromage. Il y a à peu près infini de recettes que tu peux faire avec ça. En principe, du kéfir, c'est une sorte de lait cahier. Et puis, il y a aussi plusieurs manières pour cailler du lait. Fait que quand on fait du fromage, on va en utiliser principalement deux, qu'on peut subdiviser de toutes les façons. Fait que si je parle de nos deux méthodes qu'on utilise souvent, il y aurait un caillage lactique puis un caillage par présure. OK, fait que le cailler, ça commence avec du lait. Tout à fait. Fait que c'est du lait que vous faites agglomérer, je pense? Oui. OK. Puis ça, comme je disais, c'est quelque chose que tu peux faire dans ton frigo si tu le conserves très longtemps. Ça va te prendre moins longtemps si tu le fais sur le comptoir. Donc, d'une certaine manière, du lait, ça va cailler tout seul. OK. Puis avec le lait qui caille sur mon comptoir, peux-tu faire du fromage? En principe, oui. Et la raison pourquoi c'est sans risque, c'est que le lait que tu as acheté, il est pasteurisé. Donc, tant que ton contenant n'a pas été ouvert, la qualité de ton fromage à l'intérieur devrait être plutôt bonne. Là où ça va être problématique, c'est que tu n'auras pas un bon rendement. Ton cahier va ressembler à des Kleenex mouillés que tu aurais mélangés avec de l'eau. Fait que ça fait que le petit lait, qui est la partie liquide qui s'échappe du fromage, ben, elle va contenir énormément de ce qui aurait pu se retrouver dans ton fromage. Fait que si tu presses ça dans un coton et que tu le sales, ça va te faire une petite boulette avec pas grand-chose puis tu vas avoir vidé la plupart de ton lait dans l'évier. Je veux dire, je connais pas beaucoup de recettes avec du lactosérum. Il y en a, je pense que tu peux te faire des crêpes avec du babeurre. C'est un peu semblable. Là. Ce n'est pas du babeurre, mais ça se rapproche un peu. Et puis, si tu veux avoir un meilleur cahier que ça, ça va te prendre quelque chose pour t'aider. Idéalement, un acide. Fait que quand je disais un caillage lactique, ça vient de acide lactique. Mais en principe, t'es pas obligé d'utiliser l'acide lactique pour faire ça. Tu pourrais utiliser du vinaigre ou du jus de citron. Je sais qu'il y a des fromages de différentes régions qui vont être caillés en utilisant ça. Fait que je les connais pas par cœur, mais j'ai pas de misère à imaginer qu'autour de la Méditerranée, ils vont faire des produits de lait caillé avec du jus de citron. Parce que c'est facile à trouver. Puis il y a probablement toutes sortes de recettes qu'ils font avec ça. On dit fermentation lactique à cause de l'acide lactique. Puis pourquoi il y a de l'acide lactique dans le lait? Ben, je veux dire, les noms sont reliés, là. Mais c'est parce qu'on utilise des ferments lactiques. Un ferment, ça c'est de la microbiologie. Le plus souvent, c'est des lactobacilles. Et puis, ça se trouve être des bactéries qui vont manger le lactose et qui vont le fermenter en acide lactique, un petit peu comme nos muscles utilisent du glucose et font de l'acide lactique. Fait que ça, dans notre cas, ça fait un paralysant musculaire qui est facilement éliminé la plupart du temps. Et puis, pour les bactéries, ça leur met une espèce de déchet avec lequel ils sont plus ou moins confortables, ce qui fait qu'à un moment donné, s'ils en ont trop produit, ils vont arrêter de se développer facilement. Mais avant cette étape-là, notre lait, il va avoir caillé correctement. OK. Fait que tu veux avoir de l'acide lactique pour faire cailler ton lait. Oui. Pour avoir cet acide lactique-là, tu mets des bactéries dedans. Oui. Donc, l'acide lactique, c'est un déchet ou un produit dérivé de l'action des bactéries sur le lait. Tout à fait. On pourrait rajouter directement de l'acide lactique dedans. Je ne crois pas que l'acide lactique aurait un très bon goût. Et puis, les bactéries qui travaillent vont faire toutes sortes de composés aromatiques qui sont bien plus intéressants que si on faisait juste mettre le produit qu'ils produisent par eux-mêmes. Ouais, ça, c'est la différence entre un produit, entre guillemets, naturel, qui vient de... Moi, j'ai pas le mot pour le décrire, mais... Et un produit transformé où là, on rajoute des additifs dedans pour... Oui. Dans ce cas-là, je ne crois pas que les grandes industries utilisent de l'acide lactique comme ça parce que les bactéries sont tellement bonnes pour se développer dans le milieu du lait quand on leur donne les bonnes températures puis vraiment le bon milieu, là, un petit brassage puis tout ça. Sont tellement bonnes pour produire l'acide lactique que ça coûterait plus cher de le faire produire à l'externe pour le rajouter après. Ces bactéries-là t'emmènent une quantité qui devrait être suffisante pour produire ton acide de base, mais en plus, ils vont se multiplier pour en faire encore un petit peu plus, selon tes besoins. Avant d'arriver au mécanisme, je peux parler aussi un petit peu de la présure. C'est quoi? C'est essentiellement quelque chose qui se retrouverait dans l'estomac. Plus spécifiquement, ça nous prend quelque chose qui est dans l'estomac d'un mammifère qui est prêt à boire du lait. Donc, ça va être un jeune mammifère. Dans notre cas, on va utiliser souvent le veau, mais à cette heure, on a une autre technique pour faire ça parce que, c'est sûr que le fromage, c'est pas végétarien. Mm-hmm. On peut penser au traitement des vaches et des veaux, mais avoir de la présure de veau, ça demande d'utiliser son estomac, fait que ça coûte cher en veau. Là, on a des nouvelles techniques pour faire ça. On prend celle du chameau, sauf qu'on a mis le gène qui fait la chymosine puis la pepsine du chameau. On a mis ça dans des E. coli pour qu'ils nous le fassent. Donc, on n'a pas besoin de prendre des chameaux. T'as pas besoin d'avoir l'animal à la fromagerie champêtre qui te produit ça. Non. T'as comme une solution d'E. coli. Ben, c'est pas exactement nous qui l'a. C'est notre fournisseur qui va nous donner ça après l'avoir fait. OK, fait que t'as pas un bac comme à côté de où est-ce que tu travailles où tu peux te tromper, puis... Non. Ben, malheureusement, pour les gens qui ont trop d'imagination, c'est pas comme ça. Ben, vous avez le droit de penser que c'est fait comme ça. Mais essentiellement, il y a un bac en quelque part avec la présure dedans. Oui. Puis elle n'est pas extraite nécessairement des estomacs de veau. Je crois qu'il y a eu une époque où on utilisait celle-là. Parce que d'un certain point de vue, ça fait un meilleur fromage, mais c'est plutôt négligeable comme effet, surtout si on pense au coût autant monétaire que moral, disons. Là. Mm-hmm. On peut penser à ça selon nos valeurs. Là. Fait que présure, qu'est-ce que ça fait? J'ai dit que c'est quelque chose qu'on a dans l'estomac. Chymosine, pepsine, ça sert à briser des protéines. Fait que les protéines, qu'est-ce que c'est dans le corps? C'est à peu près l'équivalent du métal dans notre civilisation. Ça sert à faire des outils, ça sert à faire des machines, et puis ça peut servir à faire des composantes structurelles, comme des poutres. Fait que dans le cas des cellules, il y en a une partie qui peuvent servir à faire des squelettes, puis entre autres, les trucs qui vont faire les fibres musculaires. Et d'un autre point de vue, ça va aussi faire des enzymes. Et des peptides qui vont faire toutes sortes de tâches. Fait que les enzymes, ça va être des catalyseurs, mais dans le lait, c'est pas nécessairement toutes des protéines qui servent à ça, c'est des protéines qui servent à être digérées par un bébé. OK. Donc, le lait contient plein de protéines qui sont pas là nécessairement pour faire une job. Peut-être que ces protéines-là ont déjà fait une job et comme elle finit, ils vont être avalés par le veau éventuellement. Mais on a besoin de les couper pour pouvoir faire l'espèce de gel du caillé à ce moment-là. Fait que ces protéines-là, il y en a différentes classes. La plus importante, c'est la caséine. On l'a appelé comme ça parce que ça vient de caseus, qui, si je ne me trompe pas, est le mot pour fromage en grec. OK. Donc la protéine du lait qui fait la structure du fromage, on l'a appelé caséine. OK. Il n'y a pas un dieu grec aussi qui s'appelle caseus ou quelque chose? J'ai peut-être trop joué à God of War. En fait, j'ai pas vraiment. Je croirais que son nom pourrait être Cassius. Ah oui, ça se peut. Mon cours de latin est pas mal loin. Mais maintenant que tu mentionnes le latin, c'est peut-être pas en grec, Caseus, c'est peut-être en latin. Faudrait que je revienne avec ça. Ouais, ben je mélange souvent grec et latin, parce que j'ai eu un cours de latin, mais dans mon cours de latin, il nous apprenait la mythologie des Romains, avec aussi des fois, tu sais, mais c'est le dieu grec, puis du côté, les Romains ont volé les dieux aux Grecs. Ils ont juste nommé... En tout cas, j'imagine que c'est très simplifié comme explication. Là. Ils sont allés leur voler leur dieu. Clairement. Non, mais ils sont emprisonnés. Ils sont arrivés en chaîne. Vous travaillez pour nous maintenant, les boys. Mais ouais, bref. Ben, donc, on a plein de caséines dans le lait. Et puis, on a besoin de les couper en partie pour pouvoir faire le fromage. Si on était dans un estomac de veau, ces caséines-là seraient coupées en de plus en plus petits morceaux. Puis ces morceaux-là pourraient éventuellement être digérés. Parce qu'on ne digère pas les composantes qu'on mange telles quelles, on les sépare dans leur plus petite expression. Ça, quand tu dis couper, c'est littéralement comme scinder, oui. Séparer des morceaux de protéines, pas l'enlever, comme on pourrait dire couper au sens large. On coupe ça, puis... Non, c'est ça. C'est pas la retirer, c'est vraiment la briser en petits morceaux. Faut la couper dans ses plus petits constituants capables d'être absorbés par un intestin. Fait que c'est quoi ces plus petits constituants-là? C'est ce qu'on appelle les acides aminés. Et puis une protéine, c'est plein d'acides aminés, un à la suite de l'autre. Bon, il y a un côté qui serait, mettons, une main gauche, puis un côté qui serait une main droite. Fait que les mains droites pognent les mains gauches. Fait que t'as plein d'acides aminés qui ont chacun un côté pour recevoir, puis un côté pour donner, puis ça fait une très très très longue chaîne. Cette chaîne-là est enroulée en forme de protéine. Là, nous, ce qu'on veut, c'est couper à toutes les places où il y a des mains qui se tiennent, puis que chaque morceau soit des acides aminés individuels. Bon, là, on les voit comme des personnes, parce que j'ai parlé des mains. Mais on veut que chaque personne soit séparée pour qu'on puisse les processer individuellement. Parce que sinon, ils sont pas absorbés. Ben, tu dis que c'est absorbé dans l'estomac, c'est pas dans l'intestin. Ben, il y a une partie qui est absorbée dans l'estomac, mais ils sont pour la plupart coupés dans l'estomac en plus petits morceaux et plus tard absorbés dans l'intestin, le duodénum d'abord, etc. Puis s'ils n'étaient pas coupés, nous autres, en tant qu'humains, on ne pourrait pas les absorber? Probablement pas. Peut-être que la flore intestinale serait capable de faire une partie du travail pour nous. Puis ensuite de ça, ce serait peut-être absorbé, mais d'après moi, si les morceaux sont trop gros, ça ne marcherait pas. C'est ce qui arrive entre autres avec les fibres. Ces sucres-là sont tellement gros que, comme ils ne sont pas coupés, ils ne passent pas dans le tamis. Ils ne sont pas capables de traverser les cellules qui sont supposées collecter le sucre pour l'emmener. Donc, des gros morceaux de protéines, ça fait pas grand-chose, ça ressort tel quel. Puis ben, c'est pareil probablement pour certains gras. Quoique eux, ils ont comme une méthode d'absorption un petit peu différente. Et puis, ben, pour les sucres, là, c'est faut tout le temps couper nos trucs le plus petit possible. Fait qu'on coupe les protéines pour les transformer, ben pour les rendre à leur plus petite expression, qui est les acides aminés. Quand on fait le fromage, c'est pas exactement ça qui se passe, parce qu'on parlait de ce qui se passe dans l'estomac. Pour faire ton fromage, tu as besoin de faire une coupure spécifique. Quand on s'amuse à faire de la biochimie, on va souvent couper des protéines à des endroits spécifiques parce que les enzymes sont bonnes pour trouver des places. Ils vont trouver, par exemple, une phénylalanine puis une méthionine, puis ils vont couper juste entre ces deux-là. OK. Ils sont vraiment bonnes, ils vont vraiment choisir ceux-là puis les couper. Si je me trompe pas, c'est ça qui arrive quand on coupe les caséines dans le lait. Eux autres, en perdant leur queue, il va rester, ben parce que les protéines, ça je l'ai pas dit, mais sont organisées en espèces de globules. Le gras aussi est organisé en espèces de globules parce qu'ils se retrouvent dans l'eau puis ils font un petit peu comme l'huile dans une vinaigrette. Fait qu'ils ont des petites bulles comme ça. Avant qu'on ait fait la coupe sur les caséines, ils ont des charges négatives puis ils veulent pas se toucher parce que tout le monde est négatif, ça se repousse comme des aimants. Fait qu'en enlevant la queue, tu viens de créer une situation où là, les charges sont moins importantes, puis ils vont chercher à se regrouper. Ils sont dans une espèce d'équilibre où est-ce que, d'un côté, ils veulent se regrouper parce qu'ils sont pas de la même famille que l'eau. Ils veulent faire des espèces de plus gros globules, mais sont tellement négatifs qu'ils se touchent pas. Puis là, tu viens de changer l'équilibre, donc maintenant, ils peuvent se toucher puis faire des plus gros agrégats. Fait que c'est comme quantique en même temps. Ça a rapport avec la charge de la molécule. Je dirais que c'est plutôt électrique ou électrochimique. Parce qu'on est quand même à une très grosse échelle. OK. Dans la mécanique quantique, on est rendu peut-être au plus gros à la taille de l'électron, disons. Ouais. Ah oui, disons. Puis là, ben, des électrons, il y en a des milliards quand même. Mm. Et plus. OK. Non, c'est parce que t'es, je m'attendais pas à ce que tu me dises que t'es... Ça va jusqu'à la charge de la protéine comme telle. Ben, le fromage, c'est petit de même, l'interaction. C'est pour ça que tu ne vois pas qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment serré. Fait que, y a des charges négatives. Comment on enlève les charges négatives à part couper le petit bout qu'on n'aime pas? Ben, tu mets un acide. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. L'acide va libérer des charges positives. Dans ce cas-là, on appelle ça des protons. C'est des hydrogènes chargés positivement parce qu'ils ont perdu leur électron. Un acide, c'est essentiellement toujours ça que ça fait. Fait qu'en neutralisant les charges négatives, ben là, les caséines ont plus de facilité à se coller ensemble. Ils vont se coller, puis ça va faire une espèce de toile d'araignée à trois dimensions que tu peux visualiser comme une éponge, particulièrement une espèce de pâte de Scotch-Brite. Ça ressemble beaucoup à ça, ce que ça fait. Fait que c'est plein de brins entremêlés qui se touchent de plusieurs manières. Et puis ça va emprisonner les globules de gras qui vont rester pognés là-dedans. Et toi, pour faire ton fromage, tu veux faire sortir l'eau de ça. Puis, ben, il y a deux raisons, là. C'est quoi la première raison de faire du fromage? C'est la conservation. Donc, pour conserver un aliment, tu veux d'abord enlever l'eau pour créer un milieu où est-ce que les micro-organismes que t'aimes pas, ça soit hostile. Tu rajoutes du sel pour que ça soit encore plus hostile. T'as des ferments que t'as mis. Eux vont se protéger, ils vont faire des toxines. Fait que là, c'est encore plus hostile. Puis la dernière raison d'enlever l'eau, c'est qu'elle contient du lactose qui serait de la bouffe pour des pathogènes potentiels. Fait que le lactose, il est bien solubilisé dans l'eau. Si tu presses ton eau, tout le restant de lactose est évacué. Ah ouais, c'est une excuse. Ben une excuse. Une des raisons pour enlever le lactose, c'est que c'est de la nourriture à pathogènes. Oui. Oh. Puis en même temps, ça rend... Si on pense à la... Ben, je sais pas quand est-ce qu'on a commencé à faire le premier fromage. On va dire, il y a 10 000 ans, ce qui est quand même une bonne date. Il y a 10 000 ans quand il faisait du fromage. Je pense qu'on a une date, mais il faudrait que je te revienne avec ça. Ouais, non, ça se peut très bien. Ou du moins, on a le premier bac de fromage qu'on sait qu'il existe. Là. Ça, il y en avait peut-être encore des milliers d'années avant. Ouais. On ne sait pas exactement. Là. Mais il y a 10 000 ans, le fait d'enlever le lactose dedans, ça faisait que c'était comestible pour les humains. Là. Oui, entre autres. Il y a toutes sortes de raisons pour le fromage. Là. D'abord, on réalise que le lait, c'est un aliment vraiment pratique. Aujourd'hui, on dit que ça donne le cancer, puis ça imperméabilise l'estomac, puis tout ça. Mais honnêtement, j'ai suivi quelques études là-dessus, puis ils sont pas toutes super bien fondées. Mm-hmm. Ce qui arrive, c'est que malgré tout ça, le lait, ça reste un aliment pratique si tu veux survivre puis te reproduire. Ouais. Fait qu'en gros, ça marche. C'est pour ça que t'es beaucoup d'Européens ou des gens qui ont des descendances européennes sont ont une résistance au lactose parce que Ne sont pas intolérants ou pas autant que les autres. ça, parce que ces gens-là ont survécu en buvant du lait parce qu'ils étaient pas ils étaient tolérants à C'est ça. la le lactose c'est une quelle sorte de molécule? C'est un sucre. Sucre. Si on décompose le sucre de table, c'est un glucose avec un fructose. Peut-être que les gens qui suivent les listes d'ingrédients ont vu ça, là, du glucose-fructose, c'est qu'on a coupé les deux avant, exactement comme on coupe une protéine, on utilise une enzyme pour couper les sucres, là. Fait que glucose-fructose, c'est le sucre de table, on l'appelle saccharose d'habitude. Et le lactose, c'est aussi un glucose avec un galactose. Une galactose. Ça ressemble à un jeu vidéo, ça. Ça peut, mais en même temps, quand tu regardes le mot galactose, t'enlèves le ga, ça fait lactose. Donc, je crois que le lien vient plutôt de là, mais j'avais un truc mnémonique pour me rappeler de la structure du galactose, puis en plaçant mes doigts dans la même conformation que les groupes OH, ça faisait un petit vaisseau spatial. C'est comme ça que je le retenais. Ouais, j'étais pas fou finalement en disant que. Non, non, pas du tout. C'est un bon truc pour se rappeler où vont les groupes hydroxyde dans ton sucre. Donc, tu veux enlever l'eau. En enlevant l'eau, tu rends le milieu plus hostile. Tu enlèves le lactose. Donc, tu enlèves une partie de la nutrition de mauvaises bactéries. C'est ça. Sauf que ce qui reste dedans, c'est quelque chose que toi, en tant qu'être humain, tu es capable d'assimiler facilement. Puis, ben, la plupart du temps, il reste un peu de sucre, mais je dirais aux gens qui sont intolérants au lactose qu'il y a énormément de fromages qui contiennent pratiquement pas de lactose. C'est juste que peut-être la fromagerie ne veut pas s'avancer à dire qu'il est sans lactose. Fait que je conseille aux gens qui ne le savent pas de peut-être en essayer par-ci, par-là. Ben, moi, personnellement, je suis intolérant au lactose, mais les fromages, en général, ça me fait pas d'effet. C'est plus fromage à la crème, fromage à la crème, C'est fromage en possible crème. qu'il ait été fait avec plus d'eau, justement, fait que le lactose est encore dedans. Ah oui, c'est ça. C'est comme un... J'essaie d'éviter les bons bagels au fromage à la crème et saumon fumé, là. Ouais. Ce qui est tout à fait dommage, mais en même temps, on comprend. Fait que, ouais, essentiellement, le fromage, j'en mange, j'aime ça. Je suis capable de manger. Parce qu'il y a moins de lactose dedans. C'est ça, beaucoup moins. Parce que c'est souhaitable d'avoir moins de lactose. C'est comme faire un bon vin, tu veux qu'il reste autant que possible pas de sucre résiduel. Ça fait partie du procédé. C'est ça, ce sucre résiduel-là va peut-être, si je me trompe pas, virer en vinaigre. Ben, le fromage, ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble un petit peu à la bière aussi, là. Moi, ce Donc, qu'on... tu veux enlever l'eau. On va enlever l'eau. Ça s'appelle la cinérèse. Il y a différentes façons d'enlever l'eau. Une des premières, c'est par action mécanique, fait qu'on primordialise le coupage. J'essaie de trouver un vraiment bon mot pour ça, mais... Il doit en avoir un en plus. Ouais, je suis sûr. Fait qu'on encourage de bien couper le fromage, mais pas le cailler, c'est-à-dire pour essayer de... pas de le faire sécher, mais pour que l'eau sorte. Fait que l'espèce d'éponge, si tu la brises, ça fait beaucoup de côtés qui sont plus capables de retenir l'eau. C'est comme tout à fait logique. Que ça puisse sortir comme ça. Ensuite, tu vas pouvoir le brasser. Ça va aider à déloger les petits morceaux, puis les molécules vont sortir. Mais c'est un peu pareil comme couper, mais à plus petite échelle. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre sur un cahier pour aider à faire sortir l'eau? Tu vas le cuire. Ici, je ne connais pas le processus exact. Comme pour le prochain point, je ne connais pas les mécanismes. Mais ce qu'on sait, c'est que de 15 à 55 degrés, la cinérèse est vraiment meilleure et de façon pas nécessairement linéaire, mais je veux dire, il y a une grosse corrélation. Donc, plus tu fais chauffer ton fromage, là, je dis chauffer, peut-être qu'on le fait à 40 degrés, là, c'est pas une grosse cuisson, mais on appelle ça une cuisson quand même. Plus on le cuit, plus il va sortir d'eau. Fait que si tu veux une pâte très ferme, tu le cuis fort. Autre chose pour faire sortir ton eau, tu vas l'acidifier en masse. Puis comment on va faire pour acidifier en masse? C'est pas en ajoutant de l'acide lactique, mais c'est en laissant travailler les ferments comme il faut. Donc un bon fromage, ça peut être un fromage qu'on attend une heure de plus que d'habitude pour s'assurer que l'eau sorte bien. En même temps, l'acide, il sort d'où? Il sort du lactose. Fait que ce que ça implique, c'est que si tu laisses acidifier comme il faut, le lactose va avoir eu plus de temps de se faire dégrader par les bactéries que tu as mis comme ferment. Il y a un moment où ton pH va arrêter de varier. Tu peux supposer que tout ton lactose a été utilisé, puis que le restant va être bien solubilisé dans l'eau. Fait qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir faire ton fromage. Dans la physico-chimie du carrier, il y a aussi une dernière étape mécanique, ça va être ton pressage. Et puis, là, il y a deux façons de faire. Tu peux faire un vrai pressage mécanique ou un pressage qu'on appelle naturel. J'aime beaucoup le pressage naturel à cause de la qualité de pâte que ça donne, mais le pressage mécanique a ses vertus aussi parce que c'est comme ça que tu fais coller les grains du fromage en grains pour faire un bloc de cheddar. Donc, okay. C'est quoi la différence mécanique entre le pressage naturel, c'est tu mets une planche de bois puis des roches dessus? Ben, ah, tu pourrais le voir comme ça. En fait, tu laisses la pâte se presser par elle-même. Fait que souvent, tu vas le mettre dans un moule rond troué pour que l'eau sorte. Tu laisses ton cahier s'effondrer tranquillement par lui-même puis remplir tout le moule comme une boulette de steak haché que tu aurais laissé par elle-même suivre son cours. Mais la boulette, elle va jamais faire un fromage rond, tandis que ton cahier, oui, il va finir par faire ça. Parce que ça paraît peut-être pas, mais il reste toujours beaucoup d'eau dedans. Pour poursuivre le pressage naturel, à l'occasion, tu vas les empiler deux de haut. Ça va te faire un pressage qui n'est pas comme si tu avais forcé. Puis ça, c'est une bonne manière de faire un fromage pâte molle ou semi-ferme. Okay. Donc, moi, j'étais dans le champ. Le pressage naturel, c'est l'action de la nature elle-même, de la gravité, oui, sur la pâte comme telle. C'est ça, c'est comme un pressage par gravité. Ça, l'action de rajouter comme une planche de bois puis des roches dessus, ça serait plus un pressage mécanique. Ouais, probablement. Mais j'imagine que si tes planches de bois puis tes roches contiennent des ferments spéciaux, peut-être que tu pourrais appeler ça un pressage naturel puis tu pourrais dire que ça ajoute une qualité à ton fromage. Un bon goût de fromage fermenté avec du baril de whisky. Dans ce cas-ci, on parlerait d'un affinage. Okay. La physico-chimie de ton cahier, normalement, va... peut-être qu'il y a trois affaires qui décident quel fromage ça va te donner. D'abord, c'est les ferments que tu choisis, incluant la technique, soit présure ou sans présure. Ensuite de ça, c'est qu'est-ce que tu fais avec la physico-chimie de ton cahier. Puis la dernière étape, c'est l'affinage. Fait que rendu là, on parlerait d'affinage si tu le mets dans un baril pour essayer d'avoir ces arômes-là. Je crois que ça se fait d'ailleurs. Et puis l'affinage, tu vas beaucoup travailler sur la surface, mais pendant le vieillissement, l'intérieur va aussi continuer. Entre autres, les protéines vont continuer à se couper. Puis peut-être que les globules de gras vont interagir avec toutes sortes de produits qui se retrouvent dedans. Puis là, ils vont commencer à couler. Ton fromage va devenir fondant. C'est une étape que je connais moins, ce qui se fait à l'intérieur. Mais ce que je sais, c'est que quand tu laisses un fromage vieillir dans les bonnes conditions, ça fait toujours un meilleur fromage que si tu l'avais mangé très, très frais. Quoique, bon, OK. Le plus frais, à l'occasion, ça peut être meilleur qu'un fromage vieilli, là. Ça dépend de la qualité du fromage recherché. Mais là, on pense par exemple à un bon fromage à poutine qui vient d'être fait, qui est encore tiède, puis qui est juste légèrement salé, puis ça croustille un tout petit peu. Là. Bon, là, ça serait le meilleur moment pour le manger. Là, tu parles d'un fromage qui sort du bac, là. Oui. Pas nécessairement qui a été 5 jours dans le réfrigérateur avant qu'il mette... Non, non. On parle de celui qui est à 30 parce qu'il vient d'être fini d'être brassé à la main, là. Avec des gants, bien sûr, un travail propre, mais... Et puis, c'est ça. Ben là, peut-être qu'il va être meilleur. Mais si ça fait une heure qu'il est dans le bassin à ce moment-là, ça va être préférable de le presser puis de le laisser vieillir pendant 6 mois. Là, tu vas peut-être avoir quelque chose de meilleur. Ça me donne vraiment faim, ton sujet. Désolé. Sébastien. Non, c'est le fun de vouloir manger du fromage. Je suis un vague amateur de fromage. Puis, je suis un peu déçu que tu m'en aies pas apporté. Ça sera pour une prochaine fois. Écoute, on a... je veux pas nécessairement plugger la compagnie où je travaille, mais on a, par exemple, un fromage, un gouda macéré au vin fortifié. Ah oui? C'est quand même intéressant. Pas d'alcool là-dedans, par exemple, parce que comme le fromage est scellé sous vide, l'alcool se vaporise immédiatement puis sort du sac. Parce que quand tu fais un processus de sous vide, dans le fond, tu enlèves la pression autour du sac. Le sac gonfle parce qu'il reste des trucs dedans, comme l'alcool puis l'air. Et après ça, tout est évacué, fait qu'il reste plus rien. Okay, l'éthanol est pas... c'est comme pas soluble ou... Oui, ce l'est, sauf que la pression de vapeur de l'éthanol est quand même assez bonne. Oui, c'est ça. L'éthanol, c'est soluble, mais à un moment donné, quand tu arrives à une certaine pression, ça sort. C'est ça. Parce qu'il y a une partie de l'eau en plus qui sort quand on fait ça. Là. Si on selle un fromage qui est trop mouillé parce qu'il n'a pas tout évacué son lactosérum, il a été pressé, mais il en reste, ben il va être long à sceller dans la machine. Faut pas que tu en parles trop de ça. Là. Tu veux pas donner les secrets de... Oh non, okay. Ben ça, c'est pas des secrets. C'est les gens qui utilisent des selleuses travaillent dans les épiceries et tout ça. Ils okay. finissent par être exposés à ça. Si tu essaies de sceller un sac d'eau, elle va bouillir un petit peu. Là. Ouais. Mais ça va être un peu le même principe pour ceux qui font, mettons, des fromages à la bière noire ou des affaires de même. Puis il est un peu marbré. Oui. Ouais, ben ça, si tu veux marbrer un fromage comme ça, faut que tu le réduises en grains puis après ça, que tu le represses. C'est ça, ça fait partie de ce que tu peux faire. Je dirais avec ton cahier, mais en même temps, c'est avec ton fromage tout court. Parce qu'un fromage que tu n'as pas réduit en grains, normalement, tu vas le saler en faisant une saumure. Tandis qu'un fromage en grains, tu peux le saler à sec en déposant le sel dessus puis en le brassant. Fait que si tu fais ton cheddar comme ça, tu presses les grains une fois qu'ils ont été transformés en fromage avec l'étape finale du sel. Tandis que si tu fais un fromage fin là, à croûte lavée, ben... Il est toujours pas en fromage tant que tu l'as pas mis dans la saumure. Puis même, il est pas terminé tant que tu n'as pas pris 2, 3, 4 semaines à le flatter tous les 2 jours. OK. Fait que l'affinage est un sujet en soi. Je voulais pas aller exactement là-dedans. Je voulais surtout dire que selon les températures que tu mets, tu peux contrôler la qualité de ta pâte. Puis c'est important de, par exemple, sortir ton lactose. Puis c'est ça qui fait... un fromage qui est fin, même si tu fais pas la recette la plus compliquée au monde. Mais pas juste la température, t'as parlé aussi que le fait que le presser. Ouais, le pressage. Le pressage. C'est sûr. Ce qu'il fait, le pressage naturel, ça va donner un fromage nécessairement une pâte plus molle. Oui, parce que il va rester un petit peu plus d'eau dedans. Là, on joue sur des pourcentages qui peuvent être assez serrés. Là, j'ai pas les chiffres sur moi. Là. Mais rendu là, quelques pourcentages de plus d'humidité, ça va paraître quand même beaucoup sur qu'est-ce qui se passe dans ta pâte. C'est ça qui marque le pourcentage d'eau le pourcentage d'humidité dans les fromages. Hein, genre les bris. Oui, c'est ça. Rendu là, la qualité finale de la pâte peut dépendre de l'affinage aussi. Parce que je crois que si je fais une pâte brie et que je la lave avec un ferment à l'extérieur qui est différent de ceux qu'on utilise, là, je pense que c'est des pénicilliums qui sont utilisés pour les bris, ça fait l'espèce de petit tapis blanc, mais ailleurs, pour certaines croûtes lavées, style Oka, tout ça, on va utiliser une levure qui s'appelle le géotrichum. Si tu prends la pâte de brie et tu la laves au géotrichum, il va finir qu'il risque de ressembler beaucoup à un Oka. OK, donc ça, c'est... Ça, à la différence qu'il va être plus mou, tu sais. Ça fait partie de l'affinage. Oui. Parce que là, le dedans va finir par se liquéfier tranquillement. Là. OK, tu voulais pas en parler vraiment de l'affinage, mais faut qu'on en parle. Ben, ouais, on n'est pas vraiment... on est obligé. Ouais, on est obligé, tu l'as mentionné. Là, je sais pas exactement c'est quoi. T'as ta pâte de fromage, tu la laves avec un produit quelconque, là, ça fait la croûte. Ouais. C'est ça? OK, c'est super mystérieux. J'avais pas pensé, mais la plupart des gens ont aucune idée comment ça marche et qu'est-ce que c'est. Ben, je savais que les fromages avaient des croûtes. J'en ai mangé. Mm-hmm. Mais la biochimie de la croûte, c'est mystérieux, comme tu dis. Ben, moi aussi, je connais pas tout là-dedans. Ce que je sais, c'est les trois techniques d'affinage que je connais. Je peux les présenter comme ça. Mm-hmm. Je te dirais qu'aussitôt que tu vieillis ton fromage, c'est de l'affinage. Tu peux affiner ton fromage en surface ou tu peux affiner ton fromage de l'intérieur. Dans tous les cas, le fromage est vieilli de l'intérieur. Sauf que des fois, tu peux ne pas affiner le dessus puis tout ça. Fait qu'on dit qu'il est affiné dans la masse. Mais quand tu as un fromage à croûte lavée ou à croûte fleurie, évidemment que la masse va s'affiner, mais... OK, mais c'est quoi l'affinage comme tel? C'est laisser vieillir le fromage. C'est juste laisser vieillir le fromage. Tu veux faire un cheddar fort? Je connais pas les conditions historiques pour le faire. Je crois qu'on le laissait sécher à peut-être 90% d'humidité dans une salle à, je sais pas, disons 10 degrés. Puis on le tourne à tous les jours. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben, il est vieux. C'est prêt. OK. Ça, c'est un... Ça, tu fais vieillir, tu l'affines, Genre, avec la force du temps. C'est ça. Mais tu peux le laver aussi? Oui. Pour l'affiner. Ça, c'est la deuxième technique. OK. Tu fais une croûte. Pour laver une croûte, c'est pas difficile, ça prend de l'eau salée. OK. Donc, chers auditeurs, on a eu un problème à l'enregistrement de notre épisode sur le fromage. On a manqué d'espace sur la carte SD sur laquelle on enregistre. Donc, on est présentement plusieurs mois plus tard. On va faire notre possible pour revenir exactement où est-ce qu'on était pour vous parler de l'affinage. Juste pour dire, certains d'entre vous vont remarquer que l'enregistrement n'est pas tout à fait pareil. J'essaie des nouvelles techniques. On verra. Sébastien? Bonjour. Rebonjour. Donc, on disait, là, quelques secondes, wink wink, qu'on pouvait affiner en surface. Tout à fait. Pour y arriver, on va utiliser principalement de l'eau salée pour plusieurs raisons, notamment éliminer les organismes pathogènes et pour essayer d'aider au séchage. C'est pas forcément intuitif, mais quand on utilise la bonne quantité de sel, on va permettre au fromage de pas se vider de son eau. Parce qu'il va se comporter un peu comme le légume quand il reçoit du sel. Si vous essayez à la maison de couper une patate en deux et de mettre du sel dessus, vous allez voir l'eau sortir de la patate pour diluer le sel. C'est un phénomène d'osmose. Ben, ça peut se produire avec le fromage aussi. Donc, c'est important de ne pas le laver avec de l'eau pure qui va être absorbée pour aller diluer l'intérieur du fromage, ou de le laver avec trop de sel, ce qui, à long terme, à court terme, va faire sécher la croûte parce qu'elle va être très salée, mais aussi à long terme, ça va faire sortir l'eau du fromage qui peut amener des nutriments vers la croûte, qui va nuire au procédé. Donc, on utilise normalement un pourcentage de sel qui va aider un troisième ingrédient. On a de l'eau, on a du sel, on risque d'utiliser un ferment. J'avais parlé la dernière fois des pénicilliums et des géotrichums. C'est quelque chose qu'on peut mettre dans la solution. Et puis on va déclencher une espèce de guerre microbiologique sur la surface du fromage quand on fait ça. L'idée, c'est d'essayer de mettre notre organisme qu'on a choisi. Il le répand partout sur la surface pour qu'il forme lui-même son espèce de croûte. Donc, dans le cas des moisissures et du géotrichum, il va avoir un mycélium. C'est une espèce de tapis racinaire microscopique. Un mycélium, c'est du rapport avec les champignons? Oui, tout à fait. Pour ce qui est du géotrichum, comme c'est une levure, je suis pas certain si on peut vraiment appeler ça un mycélium, sauf que la structure est plutôt la même. C'est des filaments de cellules l'une à la suite de l'autre. Et puis, ça ressemble beaucoup, beaucoup à des racines. L'idée de faire cette espèce de champ-là de mycélium, c'est que les micro-organismes sont capables de faire, par exemple, des toxines et une espèce d'occupation d'espace qui va empêcher les pathogènes de prendre la place. Donc, ils n'ont pas accès à la nourriture, puis en plus, à l'occasion, ils ont une espèce de mur de toxines. Quel genre de pathogène qui pourrait prendre la place sur un fromage? Des choses qu'on entend souvent, à l'occasion, il pourrait avoir des bactéries Salmonella, il pourrait avoir des Listeria, on pourrait, quelque chose de très fréquent, des coliformes comme E. coli. Et puis tout ça ne sera pas forcément néfaste. Il peut avoir aussi des moisissures noires et vertes et de toutes les couleurs. Ou tout simplement celles qu'on retrouve dans les maisons. Il y a le Penicillium candidum, si je ne me trompe pas, qui fait une espèce de point vert avec une auréole blanche. On le trouve sur un paquet d'aliments. Il va pas détruire le fromage, c'est juste que c'est pas celui qu'on cherche. Et puis ça va changer la saveur, puis l'aspect sera pas très ragoûtant pour la plupart des gens. J'imagine quelqu'un de très motivé pour essayer de faire un fromage qui fonctionne avec ça comme culture. Je suis pas certain que ça serait super intéressant au goût, sinon probablement on l'aurait déjà fait. Ouais, ça serait juste comme une expérience, juste pour dire que tu l'as fait, au bout de la Ouais, ligne. c'est ça. Mais je serais pas surpris si ça existe déjà. Je pense que j'avais dit qu'il y avait trois sortes d'affinage. En réalité, je sais pas pourquoi j'ai dit trois. J'ai dû vouloir dire deux parce que l'affinage dans la masse et l'affinage en surface, c'est pas mal les deux techniques. Il y a peut-être des petites particularités, comme l'affinage du suisse se fait à une température relativement haute pour favoriser les ouvertures. C'est que la culture qui est à l'intérieur de la pâte va créer du CO2 qui fait des bulles de gaz, et c'est ce qu'on appelle les ouvertures ou les trous. Quand on le coupe en tranches, on voit ça comme des trous, mais en réalité, quand on voit un gros bloc coupé en deux, c'est plutôt des bulles. Mm-hmm. Et puis, sinon, c'est pas vraiment une autre sorte d'affinage, ça ressemble à un affinage en surface, c'est ce qui se passe dans le fromage bleu. Donc, le fromage bleu, il est ensemencé avec des Penicillium roqueforti. Sauf que les Penicillium roqueforti, ça vit seulement en présence d'oxygène. Et puis, l'intérieur d'un fromage est pas très bien oxygéné. Des fois, il va avoir des ouvertures mécaniques, qu'on appelle. C'est quand on a ramassé tous les petits grains de caillé, puis on les a pressés. Ils sont pas forcément soudés à la perfection. Fait que ça laisse des ouvertures avec un petit peu d'oxygène. Mais normalement, c'est pas assez. Fait que si on veut un beau fromage bleu, ça va être nécessaire d'aller le piquer. Pas forcément pour l'ensemencer, mais pour créer des zones avec de l'oxygène. Pour que le bleu puisse se développer. Sinon, il va en avoir juste sur la croûte, puis le milieu ne sera pas affiné de la même façon. OK. Il n'y aura jamais, s'il n'y a pas l'opération de piquer ou de faire des trous pour permettre l'oxygène d'être là dans la masse, il n'y aura juste pas de bleu à l'intérieur. C'est ça. On n'aura pas le bleu caractéristique. Donc, tous les bleus ont été travaillés comme ça. Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est sans intérêt? Peut-être pas. C'est possible, j'imagine, de faire un bleu puis de voir qu'est-ce qui se passe avec l'intérieur si on le fait pas. Mais là encore, je suppose que c'est moins intéressant, sinon on en verrait plus. Ben, il doit y avoir une variété ou deux quelque part dans le monde. Juste ouais, c'est sûr. Parce que ils font la croûte comme ça, peut-être. Là. Les gens qui connaissent le fromage, s'il vous plaît, éduquez-nous. j'ai mangé un très bon bleu récemment. J'aimais pas particulièrement les bleus. C'est pas facile d'accès. Non, c'est ça. Et le bleu que j'ai mangé, c'est un cuisinier qui me l'a fait goûter dans une soirée. Le Saint-Agur. Un bleu un peu plus crémeux, un peu plus fondant, goûte la crème. J'ai entendu ça, ça se peut que je l'ai essayé. Ouais, il est... Puis le cuisinier me dit, c'est une porte d'accès, c'est une bonne porte d'accès, un fromage accessible qui va permettre les gens de manger du bleu, puis... J'ai essayé le bleu avant, puis celui-là, j'en ai acheté un morceau au métro, puis il y a 2 jours, j'en avais plus. Ben, c'est que le bleu, pour ceux qui connaissent pas ça, au début, ça peut donner l'impression de manger des poubelles. Je dirais pas poubelle, mais c'est amer, mm-hmm. Et c'est salé. Il y a peut-être une autre caractéristique au goût que j'ai juste pas le vocabulaire pour... Ouais, ben moi non plus, j'arrive ici avec mon vocabulaire de dégustation, là. J'ai laissé chez moi, j'imagine. Peut-être que j'en avais pas. le temps que j'y pense récemment à la fromagerie, on a parlé justement de techniques d'affinage, puis j'en ai une qui n'utilise pas d'eau aussi. Donc on peut essayer de faire un affinage de la surface, mais à sec. Ça va se faire avec des brosses, et le truc, c'est de détruire le mycélium pour le forcer à se refaire. Donc, avant que les ferments sur le dessus puissent pousser, puis que ça ressemble à un petit tapis feutré, on va les briser et les forcer à se refaire. Ce qui, éventuellement, va faire une espèce de croûte plus dure et qui sera pas fleurie comme si on n'y avait pas touché. Quand tu dis fleurie, ça veut dire... Ben, quand on va le regarder de proche, ça va ressembler à un petit tapis de poils qui sortent. Ah oui, oui. Et si on le regarde de plus loin, ça va avoir un aspect feutré. Tandis que si la moisissure n'a pas eu le temps de faire un développement vertical, comme les petits poils, ça va avoir l'air plus sec, puis un petit peu plus lisse, peut-être. Donc, toutes les croûtes, c'est essentiellement du mycélium? Pas nécessairement, mais une grande partie de ce qui se trouve sur le marché, oui. Je pense qu'on va... C'est sûr qu'on va trouver les fromages cirés, donc là, peut-être les gens savent pas, mais ça fait pas partie du fromage, du lait. Là. Ceux-là, ils ont réellement été trempés dans de la cire. Ouais, comme le gouda, j'imagine. C'est le gouda qui est dans une espèce de cire rouge? Oui, souvent. Souvent, on retrouve du Saint-Paulin aussi dans une cire jaune-orangée, si je me trompe pas. Je peux pas dire si c'est un gouda ou non. Je pense que non, là. Je pense que tous ceux que je connais sont faits principalement en mycélium. Je sais qu'il y en a qui ont peut-être des espèces de petits acariens dessus. Le nom me revient pas pour l'instant, mais c'est un fromage qui avait fait un petit peu, qui avait sonné l'alarme à la FDA aux États-Unis parce que avant on savait pas que ces espèces de petits acariens là étaient ce qui était responsable de la saveur du fromage finalement. Ouais, aux États-Unis, ils sont pas mal plus sévères en termes de fromage qu'au Canada, et clairement aussi en Europe, là. Ouais, ben, je pense qu'en Europe, on fait confiance aux produits, là. Ouais, c'est ça. Aux États-Unis, t'as pas de fromage de lait cru, je pense. Ah, ça se peut que non. Mais ici, c'est difficile aussi. Ils vont demander qu'il y ait un affinage, je pense, deux fois plus long sur des fromages de lait cru pour qu'on puisse mesurer qu'il n'y a pas d'apparition de trucs indésirables, de micro-organismes dedans. Est-ce que tu peux juste me parler un peu du mycélium, comment c'est capable de combattre comme la salmonelle? C'est quoi la toxine, essentiellement? Au niveau des toxines, je peux pas dire comment il s'appelle. Ce que je sais, c'est que le mycélium va faire un effet comme un filet. Il va empêcher la salmonelle d'aller attaquer la surface du fromage lui-même. Donc, s'il y a des salmonelles qui se déposent dessus, ils vont toucher seulement aux champignons qui a pris la place. Ils toucheront pas aux nutriments qui sont en dessous. Et donc, si le champignon qui est en place, la moisissure ou la levure qui est en place est capable de se défendre, va produire des toxines qui peuvent les détruire. Mais sinon, il peut avoir, par exemple, une ou deux unités de salmonella qui sont là, toutes seules, qui ont rien à manger. Puis une personne qui va manger ça, va être très bien parce que avoir une bactérie, c'est quelque chose de facile à détruire, tandis qu'une colonie de bactéries, c'est quelque chose qui est plus risqué parce que ça se disperse, puis il y a plus de probabilité qu'il y en ait une qui réussisse à créer son nid, si on veut. Ouais, c'est ça. Ça se disperse et il y en a probablement là-dedans qui sont juste plus résistantes en plus grande quantité. C'est pour ça que quand tu vois des trucs qui disent « Ah, oh, ça tue 99% des bactéries », ben c'est quoi, ouais, le 1% qui reste, c'est les plus difficiles à faire partir. Probablement. Mais ça arrive aussi que par la chance, par les mutations, ben ils sont difficiles à faire partir, mais ils ont peut-être perdu leur potentiel aussi de dommageable. C'est un peu la théorie qu'on utilise quand on pasteurise des choses. On se dit qu'il va rester des hyperthermophiles, des bactéries résistantes à la chaleur. Sauf qu'on considère qu'il n'y a pas vraiment d'hyperthermophiles super dangereux qui se reproduisent dans nos installations. Puis l'expérience nous prouve que c'est plutôt vrai. Les hyperthermophiles. Ouais, on parle d'organismes, par exemple, qui peuvent survivre dans les volcans sous-marins, puis ces choses-là. OK, oui, des hyperthermophiles. Hyperthermophiles. Ouais. Il y a des thermophiles, tout court. Je sais pas si... je connais pas nécessairement les ranges, disons, mais peut-être qu'un thermophile, ça résiste à une pasteurisation. Je pense qu'on monte à 60 degrés Celsius, quelque chose comme ça. Mais c'est difficile de pasteuriser un lait parce que on va détruire la structure puis ça va commencer à goûter caramélisé à un moment donné. Fait qu'il faut y aller par vague, puis... c'est comme s'il faut aller avec une certaine précision pour éliminer ce qu'il y a dedans. Ben, clairement. Mais est-ce que tu te connais un peu en pasteurisation? Est-ce que je vais te poser une question là-dessus? Pas particulièrement, mais tu peux essayer. Parce que je me demande si tu fais... Ça m'a toujours semblé étrange. C'est, oh, on fait pasteuriser des laits. C'est quoi, la pasteurisation, on le fait chauffer. Ça fait pas comme un effet sur les protéines? Il faut pas justement s'agglomérer quand t'es fait chauffer ou ça arrive à une température précise? Oui. Et puis, si la température est maintenue, ça va arriver coûte que coûte, c'est pas mal certain. La pasteurisation, par contre, ça se fait par vague. On va appliquer une vague intense qui va diminuer immédiatement. Donc, on essaie de créer un moment qui est suffisamment intense pour tuer les bactéries, mais suffisamment court pour garder la structure du lait. C'est pour ça que je dis que c'est un peu une job de précision. Oui. C'est comme quand tu fais chauffer du lait sur... sur ton poêle. Mm-hmm. Tu ne le fais pas chauffer assez longtemps pour que tout le lait devienne dur. Ça ne va pas cailler immédiatement. Tu fais la petite croûte dans le pire des cas. Que t'enlèves, puis que, après ça, tu mets du cacao dedans. Ça fait un bon lait au chocolat chaud. Tout à fait. mais donc, je pense que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à dire sur l'affinage, puis sur le cailler, le lait en général. Il y a tout le temps des détails qui vont ressortir. Si jamais j'en ai assez pour faire un nouveau sujet, ça serait plaisant d'y retourner. Là. C'est bon, mais c'est toujours... Moi, je pense que c'est un sujet super intéressant, le fromage, parce qu'il y a vraiment de quoi là-dedans aller chercher au niveau scientifique. C'est un projet aussi. C'est un projet. C'est un... Ben, le fromage... Ouais, c'est un projet. Le fromage, c'est un projet millénaire aussi. Ouais, à travers les âges, puis... C'est intéressant de plusieurs manières, qu'on peut pas encore en parler exactement en détail ici, parce qu'on a juste pas le temps. Bientôt, bientôt, une histoire du fromage. Merci Sébastien. Mais merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir, puis à la prochaine.